Chapitre 16e, le masque vivant. Quand l'auto du jeune Renault s'arrêta, après une assez longue course dans la rue des Petites Écuries, l'auto de l'Américain du Sud, à quelques mètres plus loin, s'arrêta également. Mais l'Américain du Sud qu'elle emportait n'était plus américain. Ce fut un bon gros bourgeois parisien qui en sortit et qui, à pied, tranquillement, sans que le jeune Renault se doutât de la filature, le suivit et entra de pas derrière lui dans le passage des Petites Écuries. Là se trouvent plusieurs restaurants étrangers. Dans l'un d'eux, le jeune Renault entra. Il choisit un coin et s'y installa, regardant anxieusement l'heure au coucou, chef-d'œuvre d'un horloger de la Forêt Noire, accroché au milieu de la paroi centrale. Il devait assurément avoir rendez-vous en ce lieu. Le bon bourgeois s'assit dans un angle opposé, tournant le dos au jeune Renault, ne pouvant être vu en aucune façon par lui. Mais il avait pris, lui, place à une table située de telle façon que dans une glace en face de lui, il voyait le moindre geste et la moindre expression de physionomie du jeune Renault. L'attaché du cabinet semblait inquiet, nerveux. À diverses reprises, ne se fiant plus au coucou, il tira sa montre du gousset, regarda l'heure, plissant le front de plus en plus, comme quelqu'un qui attend une autre personne, laquelle tarde à venir. Il avait enfin déplié sa serviette, mais ne se décidait pas encore à commander au garçon en tablier vert, à l'allemand, son dîner. Un couvert était dressé en face du sien, attendant le second convive qui tardait à se montrer. Paulin Broquet, lui, commençait à dîner sans paraître le moins du monde se soucier de son impatient voisin. L'établissement était formé d'une longue salle, sur laquelle, en angle droit, venait donner un autre couloir transformé également en salle de restaurant. Cette partie de l'établissement était bondée, occupée entièrement par des gens du voisinage, se connaissant tous entre eux et parlant uniquement allemand. Dans la grande salle où se trouvait Paulin Broquet, quelques tables demeuraient encore libres, mais se garnissaient peu à peu. Parmi les derniers arrivants qui prirent place à une table, que dans la glace encore, Paulin Broquet pouvait parfaitement apercevoir, se trouvaient deux individus dont la présence ici offrait de quoi surprendre étrangement le détective. C'étaient deux Japonais. Paulin Broquet reconnut immédiatement l'un d'eux, le comte Toromaki, attaché d'ambassade du Japon. Le second, Paulin Broquet ignorait son nom, mais savait qu'il était officier de l'armée japonaise et qu'il était venu en France à diverses reprises pour suivre les grandes manœuvres. Les deux Japonais s'assirent à l'une des tables vides et commandèrent, ayant oublié qu'en pays nippon on est végétarien, un dîner qu'un bon Allemand eût approuvé entièrement. Le garçon à tablier vert leur apporta un colossal plat de choucroute fumante couronné de larges saucisses, des morceaux de lard, d'énormes pommes de terre, et disposa devant eux des brocs de bière qu'un couvercle d'étain fermait. Les deux Japonais commencèrent le repas sans se soucier aucunement des gens qui les entouraient. Quand ils étaient entrés, le jeune Renault les avait aperçus et Paulin Broquet put voir sa figure devenir soudain pâle et un léger frisson agiter tout son corps. Néanmoins, ce mouvement, qui fut visible seulement pour les yeux aigus du détective, devait passer absolument inaperçu des gens moins prévenus que lui. Le jeune Renault se remit aussitôt d'ailleurs et continua à regarder de temps en temps sa montre, attendant toujours. Là, enfin, d'attendre vainement, l'heure du rendez-vous semblant passée depuis longtemps, il se décidait à dîner seul et allait faire au garçon signe d'approcher de sa table et de le servir. Il s'était même déjà emparé à nouveau du menu contenu dans un cadre de bois pour faire choix de ce qu'il allait manger quand sa figure soudain s'éclaira. Il poussa un soupir de satisfaction, son anxiété finit aussitôt. La porte d'entrée venait de s'ouvrir, livrant passage à un personnage qui provoqua chez Paulin Broquet un singulier sourire qu'il masqua en penchant le nez sur son assiette et en continuant son dîner très tranquillement. Cet individu, en pénétrant dans la salle, jeta de tous côtés son regard. Il aperçut les Japonais qui, de leur côté, l'avaient vu rentrer et un triple coup d'œil s'échangea, rapide, entre eux et lui, mais aussitôt chacun reprit son allure normale. L'homme pénétra donc dans le restaurant. Ayant aperçu le jeune Renault, il alla à lui, lui serra la main. Après s'être excusé en quelques mots d'arriver en retard, il s'assit en face de lui et fit choix avec lui des plats dont allait se composer leur dîner. Cet homme, en provoquant le sourire de Paulin Broquet, lui avait fait murmurer dans sa barbe de bon bourgeois parisien ces mots « Je m'en doutais ». Cet homme n'était autre que l'Égyptien, sujet anglais, le banquier de la rue Saint-Marc, James Benhamol. Le jeune Renault et James Benhamol engagèrent, tout en dînant, la conversation. Leur entretien semblait cependant des plus animés. Les deux hommes n'étaient pas tout à fait d'accord. Néanmoins, ils parlaient à voix si basse que ni les voisins japonais, ni Paulin Broquet, leur voisin d'en face, bien qu'il eût l'oreille extrêmement fine, ne pouvait percevoir aucune de leurs paroles. Ce qu'exigeait sans doute James Benamol, ou ce que réclamait le jeune Renault, devait être plus que l'on ne pouvait céder. Après le café, les verres de liqueur et les cigares, le moment des concessions mutuelles n'était même pas encore arrivé. Cependant, un à un, groupe par groupe, les clients qui avaient dîné étaient partis. Il ne restait plus dans le restaurant que quelques braves gens du voisinage qui s'attardaient à une partie d'échecs ou à fumer la pipe tout en parlant en allemand de choses d'outre-Rhin. Les Japonais eux-mêmes finirent par se lever et par s'éloigner. Et Paulin Broquet surpris, tandis qu'ils mettaient leur paletot, qu'ils lançaient du côté de James Benamol et du jeune Renault un coup d'œil intentionnel. James Benamol, alors, sembla se faire plus pressant auprès de son convive. Il insista plus vivement. Il saisit la main du jeune Renault, la secoua fortement et lui dit à voix assez forte maintenant pour que les mots arrivassent jusqu'à Paulin Broquet. « Mon cher, c'est mon dernier mot. C'est à prendre ou à laisser. Si vous ne cédez pas aujourd'hui, nous ne ferons plus jamais d'affaires. Je vous lâche et vous abandonne à votre malheureux sort. » « Ce que vous me demandez, répliqua le jeune Renault, est tellement dangereux, tellement difficile, que je risque tout pour le prix en somme dérisoire que vous m'offrez. » James Benamol se contenta de répondre, « Pour la dernière fois, je vous le dis, c'est à prendre ou à laisser. » Et après un moment, il ajouta, « Sur ce, je règle l'addition et je m'en vais. » Il appela le garçon, demanda l'addition. Il attendit en allumant un nouveau cigare, et se renversa sur le dossier de sa chaise, regardant d'un air indifférent les volutes de fumée s'envoler au plafond. Le jeune Renault se débattit encore quelques instants, puis, comme le garçon au tablier vert arrivait, portant sur une assiette l'addition du dîner, il dit avec une intonation de rage mal contenue « Vous m'étranglez !» James Benamol jeta un billet de 50 francs sur l'assiette du garçon sans même regarder l'addition, puis, souriant, il donna un coup amical sur l'épaule du jeune Renault en lui disant « Moi ?» Vous étranglez, dites que je vous sauve. Oui, comme un pendu qui, sans la corde, tomberait à terre et se foulerait un pied. Nous avons perdu inutilement du temps à débattre une chose que vous auriez dû accepter dès les premiers mots, qui était en somme décidée entre nous. À quoi bon? Pourquoi cette résistance? Je vous tiens, vous êtes à moi, il est inutile de chercher à vous échapper. Ainsi donc, c'est convenu. Vous allez me livrer les papiers désignés, moi, dans cette enveloppe. Je vais vous remettre la somme. Déjà préparé à votre intention, la voici. » De la poche de sa jaquette, James Benamol tira une enveloppe de papier bulle et la posa devant le jeune Renault. De son côté, le jeune Renault déposa devant James Benamol une enveloppe blanche. Tous deux alors prirent les enveloppes posées devant chacun d'eux, les glissèrent dans leur poche. Puis, James Benamol ayant encaissé la monnaie que lui portait le garçon au tablier vert, ils se levèrent, prirent leur chapeau, leur manteau et se dirigèrent vers la sortie. Le bon bourgeois qui était Paulin Broquet avait de son côté également payé la note de son dîner. En même temps qu'eux, il se leva. Sur leur pas, il fut à la porte, et presque sur leurs talons, il s'engagea dans le passage des petites écuries, alors sombres et déserts. Paulin Broquet regarda dans le passage. Ses yeux ne perçurent aucune ombre suspecte, ni dans l'embrasure des portes, ni dans les coins, ni sous les voûtes. Il laissa aller devant lui, à quelques pas, les deux hommes. Il les vit se serrer la main et se séparer. Le jeune Renault se dirigea vers la sortie qui mène au faubourg Saint-Denis, tandis que James Benamol se portait dans le côté le plus sombre de ce passage, car au bout de la voûte seulement, un maigre lumignon de gaz jette une lueur indécise sur un boyau assez long. Paulin Broquet hâta le pas, et comme James Benamol s'engageait sous la voûte obscure, brusquement, il sauta sur lui, le saisit à la gorge et voulut le terrasser. Mais James Benamol, qui ne poussa même pas un cri de surprise, se révéla tout à coup doué d'une force extraordinaire et d'une souplesse merveilleuse. Paulin Broquet pensait n'avoir qu'à bousculer cet homme pour le faire vaciller, et avec sa dextérité, qu'eût envié le plus expert des pickpockets, enlever de sa poche l'enveloppe que venait de lui remettre le jeune Renault. Cela ne devait offrir aucune difficulté pour lui, ne durer que l'espace d'un clin d'œil, et avant que James Benamol eût reconquis ses esprits, fût revenu de sa surprise, eût pu pousser un cri d'alarme, Paulin Broquet aurait fui avec le précieux document. Mais Paulin Broquet trouva un adversaire digne de lui, qui, malgré la surprise de l'attaque, put y répondre de la façon la plus brillante. la lutte entre ces deux hommes s'engagea terrible, ardente, sans merci. Ce fut un duel merveilleux dans la pénombre, sans qu'aucun cri fût poussé, sans que l'alarme fût donnée. Puis, alors que Paulin Broquet, après une série de prises japonaises, qui furent presque toutes déjouées, avait cependant fini par jeter à terre son adversaire, alors qu'enfin il le tenait, lui paralysait les bras, au moment où il glissait sa main dans la poche pour ravir le précieux document, à son tour, Paulin Broquet fut brusquement projeté à terre, renversé par deux hommes survenus à l'improviste, mis dans l'impossibilité de faire le moindre mouvement. Paulin Broquet, cependant, eut le temps de saisir à pleine main la barbe et les cheveux de son adversaire. Or, comme il roulait à terre, il vit briller dans l'ombre les deux yeux aux lueurs vertes de fauve que seul possédait le terrible Zigomar. Puis, se relevant, Paulin Broquet put apercevoir son adversaire s'éloignant avec les deux hommes qui lui avaient prêté main forte, tandis que du côté opposé, tranquillement, d'un pas majestueux, arrivaient deux bons sergents de ville. Ces deux braves agents paisibles étaient Gabriel et un homme de la brigade. « Trop tard, mes garçons !» se contenta de leur dire le détective. Paulin Broquet, debout maintenant, se remit promptement. Il fit quelques pas, et à la lueur falote du lumignon éclairant ce couloir, il regarda ce que tenaient ses mains. C'était une perruque noire, des moustaches postiches de la même couleur et un masque. Ce masque, souple et léger, était formé d'un support en fin treillis de soie. Ce treillis devait s'appliquer exactement à la figure de celui qui le portait, de façon à suivre tous les mouvements, le jeu des mâchoires, le plissement du front, le clignement même des paupières, de tout ce qui rend vivante la face humaine. Seuls des trous menus justement réservés laissaient passer les yeux, le regard qui donne la physionomie, de sorte que sous le treillis, sous ce masque enfin, apparaissait modifié absolument, mais vivante, une figure humaine. Et ce masque ressemblait merveilleusement à James Ben Hamol.